pas dans la rue. Ou alors une faucille à la main. Les promesses, les paroles, on y a cru. On attend toujours le lendemain. La lutte n'est pas dans la rue. Ou alors un marteau à la main. Les promesses, des paroles, y en a eu. Dans l'attente du lendemain. La lutte n'est pas dans la rue. Ou alors un diplôme à la main. En roulant et masquant à la vue. Une arme qui servira demain. Faire un dessin. Le réveil sonne, ça y est. Ça y est, c'est demain. De ce jour qui pointe. Ce jour tant attendu. On verra bien qui décide. La corbeille ou la rune. La suite, je la connais. J'accomplis mon destin. Deux choses me passionnent, la justice et la fin de toi.